loin de la terre, dans l'espace, si loin que je n'y trouve plus de sens. Si je fais du surplace, c'est que je n'ai pas pu trouver d'essence. Je perds mes repères et avance là où le vent m'emmène. Rechercher l'inspiration m'est essentielle, c'est bien ça que j'aime. Plus de limites, plus de peine, de haine, ici plus rien n'a d'importance. Je plane, oui je plane, y'a plus de poids sur la balance. Seul sans issue, comme un homme ligoté à sa chaise. Dehors c'est la guerre et remplir cette feuille, man, ça m'apaise. 1, 2, 3, 4, esprit en vrac, j'ai juste besoin de prendre un peu de temps. Donc je pars dans mes pensées quand j'entends ce son dans mes tympans. Mais rien ne vient, alors j'ai peur de tomber et venir heurter la terre. Faire des souhaits c'est simple, les réaliser c'est moins facile à faire. Cette feuille finira par se remplir jusqu'à ce qu'elle sature. Si je ne suis pas là quand tu me cherches, dis-toi alors que je suis sur Saturne. Et si je redescends pas, c'est simplement que je m'y plais bien. L'inspire m'emmène si loin, voici mes go pour le refrain. Et je plane, je suis high. Je me barre de cette planète, je me taille. Une feuille, un stylo pour pouvoir décoller. Un micro, un bédo pour pouvoir me poser. Et je bade, je suis fly. Flagada, j'arrive à rien, ça me rend mal. Syndrome de la feuille blanche pour ne rien arranger. Autant lâcher l'affaire pour ne pas s'écraser. Seul devant ma feuille blanche, je cherche de pures assonances. Mais personne ne me tend la perche. Je rame, je trime à la recherche de rimes. L'assassine féline, ces lignes de fuite, ces frites, ce beat résonne dans ma tête. C'est net qu'il pète, mais de fait, ça pue la défaite. C'est l'échec, mais pas de maths, pas de lyrics automatiques. Gars, je pense à Gab, ça me bloque depuis 2 mois. Depuis qu'il n'est plus là, ça ne va pas. Ma vie n'est plus la même, la peine me poursuit de jour comme de nuit. Elle m'inhibe au cha-cha, elle ne m'inspire, elle m'attire vers l'ombre. Je sombre, je veux refaire surface avec classe. Balancer la rime qui claque, tic-tac. Que je reparte à l'attaque de mon mic, tic-tac. Et je plane, je suis high. Je me barre de cette planète, je me taille. Une feuille, un stylo pour pouvoir décoller. Un micro, un bédo pour pouvoir me poser. Et je bade, je suis fly. Flagada, j'arrive à rien, ça me rend mal. Syndrome de la feuille blanche pour ne rien arranger. Autant lâcher l'affaire pour ne pas s'écraser. Les pages sont toujours blanches, mais mon stylo ne flanche pas. Je continuerai toujours dans cette branche jusqu'à ce que l'inspi se penche sur moi. Associé au rap conscient, mes textes doivent être constants. Mais mes pensées partent dans tous les sens, c'est insensé comme constat. Je n'ai pas peur de l'avenir, y'a qu'à le laisser venir. Laisser sortir un sourire en ressassant mes souvenirs. En direct du studio, posant mes mots sur le micro. Ces quelques mots, ils sont pour toi poteau. Et je plane, je suis high. Je me barre de cette planète, je me taille. Une feuille, un stylo pour pouvoir décoller. Un micro, un bédo pour pouvoir me poser. Plus de bad, j'ai le smile. L'inspire revenu, ça faisait un bail. Une feuille, un stylo, je vais redécoller. Je repars à l'assaut pour